À l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, la cérémonie d'ouverture de l'exposition de photos, de livres et de beaux-arts et une séance de films ont eu lieu en Russie. Un meeting de célébration, une exposition de photos et de livres et une séance de films au Mexique, une conférence en Slovénie. Dans les salles étaient exposées les photos sur les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Y étaient également exhibées les œuvres classiques des grands hommes Paektusan, les livres et photos présentant la Corée et les beaux-arts empreints de l'intelligence et du talent des Coréens. Dans les séances de films, on a projeté le documentaire coréen « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée » en présence du maréchal Kim Jong-un. Au meeting tenu au Mexique, on a adopté une déclaration pour féliciter le 7e congrès du Parti du Travail de Corée.